Tiens, tu as la Gazette de la Vallée ? Tu lis Storchon ? Qu'est-ce que tu lui reproches à mon journal ? C'est une feuille de chou, tout juste bonne pour éplucher les pommes de terre. Son point fort, ce doit être la rubrique des chiens écrasés. Et t'as vu comment il est écrit ? On ne peut pas dire que c'est de la littérature. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, ce sont les nouvelles locales, ce qui s'est passé dans le coin, comment la région est administrée. Et puis, il se lit facilement. Ah oui ? Toi, tout ce qui sort de ton village, ça te dépasse. Tu ferais mieux de jeter un œil à Courrier Mondial. Regarde, ça, c'est un canard. Si tu le lisais, tu saurais ce qui est arrivé en dehors de ton trou. Ça ne m'étonne pas que tu lises ça. C'est bon pour les intellos parisiens. Intellos parisiens ? Moi ? Tu m'insultes ? Oh, oh, Martin, Jules ! Ça suffit, tous les deux. Arrêtez de vous disputer. Mais on se dispute pas. C'est vrai, Colette, on discute. Alors, qu'est-ce que tu bois, Martin ?